So what you want me to do? N'essaie pas de me baiser, mon vieux, ou je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour chier. T'es sûr que c'est du russe, ça? Ouais, c'est du russe de banlieue. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Et salut à tous, et bienvenue dans Pop en Stock, le podcast de la découverte ou redécouverte de la pop culture, et plus exactement des différences d'opinion qu'il peut y avoir entre un fan et un néophyte. Je suis Clément, alias Sid, et je suis en compagnie de Pierre, a.k.a. Scred. Salut à tous. Et nous sommes un peu les Tango et Cash des internets. Et pour baptiser cette série, nous avons décidé de commencer par la trilogie Cornetto. Trilogie cinématographique créée par Simon Pegg et Edgar Wright. Yeah, right. Qui contient donc les trois films. Alors, dans l'ordre de sortie, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et comme on ne fait rien comme tout le monde, on a donc décidé de parler du dernier en premier. J'espère que tu chies dans ton froc, ma poule. Le bois ne rend pas les coups. Donc, Le Dernier Pub avant la fin du monde. Donc, film sorti en 2013, toujours avec Simon Pegg et Edgar Wright au scénario. Donc, ça raconte l'histoire de cinq amis menés par Gary the King, qui, en 1990, célèbre la fin de leur année de lycée par une tournée de 12 pubs. Dans le village de Newton-Even. Sauf que malheureusement, ils ont un petit imprévu et ils n'arrivent pas à finir et à atteindre le dernier bar en fait. Ils en sont assez frustrés, surtout donc Gary King joué par Simon Pegg. Et ils décident de réunir la bande 20 ans plus tard pour essayer de faire cette fameuse tournée qu'ils n'auront jamais achevée. Sauf que malheureusement, chacun, ou heureusement en tout cas pour eux, chacun a continué dans sa vie et a bien changé du style qu'ils avaient lorsqu'ils étaient plus jeunes. Il va quand même réussir à les réunir, et ils vont donc retourner à Newton-Even, et là-bas, il y a quelques éléments bizarres qui vont commencer à apparaître. Donc, dans la trilogie Cornetto, chaque film est un peu différent. Celui-là, c'est celui de la science-fiction. On fera peut-être un point spoiler un peu plus tard, mais pour l'instant, on va s'arrêter là, peut-être... pour discuter déjà un peu en premier lieu de tout ça. Je n'aurais pas dit mieux. Alors, pour commencer, sur une échelle de 1 à 5, on va dire, combien est-ce que tu mettrais à ce film ? Sur une échelle de 1 à 5, je pense que je mettrais 3,5. Ouais, je mettrais 3,5. Pour moi, c'est pas un mauvais film. Il a un intérêt assez particulier, mais auquel on reviendra plus tard quand on aura parlé un peu des deux autres aussi. Je trouve l'histoire de science-fiction un peu relativement intéressante, du moins sur la bonne première partie, jusqu'à ce qu'on commence à en apprendre un peu plus, on va dire jusqu'aux dernières révélations, où là pour moi ça part peut-être un peu en vrille. Mais non, sinon l'histoire je la trouve quand même assez intéressante. On a un casting intéressant aussi, donc Martin Freeman, le fameux Bilbo, qui revient d'ailleurs dans tous les autres films d'Edgar Wright avec Simon Pegg et Nick Frost. Bon, un peu plus en caméo dans les autres, mais où celui-là il a un gros rôle. Il y a Pierce Brosnan, bon bien sûr Simon Pegg, Nick Frost, bon je vais pas tous les faire, mais voilà, il y a quand même un bon casting je trouve dans ce film. Qui est assez intéressant. Après, je trouve que ce film, il a une certaine mélancolie, un peu dans le thème qu'il aborde. Exactement ce que je me disais, le côté changement, passage à l'âge adulte, que Gary, lui, n'a pas réussi à faire. Mais ouais, que c'est... Et là, le parallèle qui se fait entre... comment dire, sans spoiler, entre l'aliénation et le fait de devenir un adulte, rentrer dans les rouages, d'accord. Devenir comme tout le monde... faire sa vie, métro, boulot, dodo. Quelque chose que je trouve très intéressant. Mais... Me. Quand même. Le point me. On accorde déjà un point me au premier film dont on parle. Ouais, alors... Qui arrive dès le premier film dont on parle. C'est ça. Je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, c'est à la fois un des défauts un peu du film... Surtout qu'on est habitué globalement. En fait, ça fait un mélange un peu bizarre, et ça aussi je reviendrai dessus plus tard. Ça fait un mélange un peu bizarre entre les blagues et l'humour du film et cette étrange mélancolie qu'on retrouve dedans. Maintenant, c'est un des thèmes en fait qui est abordé, si on regarde bien, dans tous les films d'Edgar Wright, enfin dans tous les films de la trilogie, du moins. Et vu que c'est le dernier de la trilogie, j'y vois un peu une sorte d'apothéose et de consécration de ce thème de l'âge et des responsabilités. Donc c'est pour ça que je le trouve assez intéressant. En fait, je le trouve intéressant dans, comment dire ça, dans l'ensemble de l'œuvre, plus qu'en tant que film en lui-même. Je Je vois, dirais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Maintenant, c'est pour ça aussi que je l'ai mis qu'un. On va dire que je l'ai mis un petit peu plus que la moyenne pour ce côté intéressant, mais sinon, je pense qu'on peut effectivement lui accorder le point. C'est ça, c'est que bah déjà ils étaient attendus au tournant, parce que les deux premiers ont eu quand même pas mal de succès. Et que c'est un film, enfin c'est le genre de film, personnellement je suis tout à fait client de ce genre d'humour, parce que moi l'humour anglais ça me fait mourir de rire. Mais c'est vrai que celui-là, ben. Bah, bon, je me suis un peu overhypé pour ce film. Et forcément l'a desservi au moment où je l'ai regardé. Mais malgré le point mais, j'ai quand même de l'affection pour ce film. C'est vraiment bah, c'est Simon Pegg, Edgar Wright, c'est que du bon. Et puis je sais pas comment dire, il y avait Il y a quand même Pierce Brosnan dedans. c'est ça, Pierce Brosnan, s'il vous C'est pas plaît. rien, s'il vous plaît. Et Bilbo. Et N'oublions pas Bilbo. Bilbo, je pense que Bilbo, c'est le genre de personnage qui te rajoute un demi-point automatiquement, tu vois, dans la note. Ouais. Parce que je préfère toujours regarder un film avec Bilbo qu'un film sans Bilbo. Même si j'aime pas les films du Hobbit, mais bon. Et avec aussi Rosamund Pike que j'ai découvert dans le chef-d'œuvre, Doom. L'adaptation du jeu vidéo dans Chef-d'œuvre, laquelle elle s'il joue, en est. attention, petite coïncidence, c'est qu'elle joue la sœur du personnage joué par Éomer. Alors Éomer, c'est Carl Urban, personne connaît son nom, mais c'est le mec qui joue Effectivement, Éomer dans Le Seigneur des c'est Anneaux. aussi lui qui joue dans les Chroniques de Riddick, d'ailleurs, un des Necromongers, le seigneur Vako, si je me trompe pas du nom. Ah d'accord, bah Ouais. écoute, je savais pas. Tu regarderas la prochaine fois que tu reverras un film enfin le Chronique de Riddick, qui d'ailleurs je pense est peut-être le meilleur élément pour moi des Chroniques de Riddick, sujet à débattre d'ailleurs. Eh bien Mais écoute, ça on fait aura très l'occasion longtemps d'en que j'ai pas vu parler les chroniques de une autre Riddick. fois. Et je suis pas un grand fan de ces films, donc on pourra traiter de ça dans un Ça sera podcast intéressant. ultérieur. Et à noter aussi l'inspiration quand même du cinéma de John Carpenter, qui est l'un de mes réalisateurs préférés. Qui est la référence à Invasion Los Angeles, Avec avec les le aliens. côté, ouais, les extraterrestres exactement cachés sous la peau des êtres humains. Ouais, c'est C'est un point assez intéressant, effectivement. le fameux personnage de John Nada. Ouais, je suis venu pour mâcher du chewing-gum et casser des culs, et j'ai plus de chewing-gum. Exactement. Le grand John Nada. Bon, bah écoute, je pense que ça résume à peu près bien notre opinion sur le dernier pub avant la fin du monde. Faut dire aussi que c'est pas le film que j'ai vu le plus récemment, donc c'est peut-être pas celui dont j'ai les meilleurs souvenirs et le plus de choses à dire pour le coup des trois. Ni C'est celui vrai, qui m'a c'est le plus vrai. marqué, donc ça aide pas. Pour le coup, ça aide pas non plus, quoi. C'est ça. Bon, et en plus, on est à peu près d'accord sur ce film, donc Voilà. on va plutôt passer au précédent, qui est donc Hot Fuzz. Voilà. Hot Fuzz, donc qui est sorti en 2007, qui est avec Simon Pegg et Nick Frost, je le donne en Encore une mille. fois. Voilà. Et donc là, c'est l'histoire d'un super flic, genre badass, hard-boiled, tellement efficace que sa hiérarchie le mute à la campagne, parce qu'en fait, il fait passer les autres flics pour des trous du cul. C'est ça. Alors, Scred, ton avis? Alors pour le coup, donc ce film, c'était un peu celui qui a fait qu'on s'est lancé dans cette trilogie. C'était celui que j'avais pas vu sur les trois. Et j'ai vraiment, vraiment adoré ce film. Déjà, il a un casting que je trouve juste monstrueux, encore plus impressionnant que les deux autres. On a Cate Blanchett qui est en mode un peu cognito, qui joue la petite amie, ou l'ex-petite amie en tout cas, la Et tu l'as Janine. Ah, remarqué! À ton premier visionnage, tu elle remarques! a un regard. Je n'oublierai jamais le regard de Galadriel, tu le sais bien, Sid. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Billy Nye. qui restera pour moi tout jamais Victor, le vampire de la trilogie, enfin même plus qu'une trilogie des films Underworld. Faut dire que c'est sûrement dans celui-là que je l'ai vu dans son premier rôle qui m'a marqué. Okay. Qui d'ailleurs j'ai appris aussi qui jouait David Jones, que c'était lui qui faisait David Jones dans les films Pirates des Caraïbes. Mais c'est vrai que une fois que tu le sais, c'est vrai que la forme du visage, enfin l'expression. L'expression du visage et même la voix française pour le coup est la même si je me trompe pas effectivement entre les deux. Bon après c'est sûr qu'avec un peu d'effets spéciaux et des tentacules un peu partout, on ne le reconnaît plus trop. Qui comme un certain nombre de personnages, de personnes, d'acteurs dont je parlerai après, on le retrouve dans les trois films. Il joue le beau-père de Shaun dans Shaun of the Dead. Ici, exactement. Il joue un membre de la hiérarchie de la police. Alors, je ne sais plus exactement quel poste c'est il a. Le boss. C'est le grand boss, oui. Ouais, le commissaire. Et dans le dernier pub avant la fin du monde, c'est lui qui fait la voix en fait du network, le réseau en fait. D'accord, exactement. Ok. Donc il a vraiment eu sa place aussi dans tous. Freeman. C'est aussi Rufus Scrimgeour dans les Harry Potter, le ministre de la magie à partir de Harry Potter 6. Oui, exactement, exactement. Ouais. J'avais pas du tout fait attention. D'ailleurs, il joue aussi dans H2G2. Enfin bref, il a. C'est un peu le visage de l'ombre, tu vois. C'est celui qui se cache. Le visage de Londres. Londres. Que dans tous les films anglais récents, c'est quand même le visage qu'on voit partout. Quand même. Exactement. Franchement, très bonne réflexion. On a aussi toujours Martin Freeman, Bilbo. Hein. Qu'on ne présente plus, qui là joue le chef, le supérieur direct. Exactement, c'est parce que. Ça d'ailleurs, c'est l'une de mes scènes préférées dans le film, où c'est le moment où ils lui disent qu'ils vont le muter, et qui dit vous pouvez pas faire ça, mais appelez le commissaire. Et t'as Bilbo qui fait bon, bah très bien, j'appelle le commissaire. Et t'as Bill Nye qui débarque, qui dit mais Crypto Senso, la même réplique que Martin Freeman. L'expression de Simon Pegg à ce moment du film, je trouve, elle vaut mais tout l'or du monde. Ah, c'était vraiment un passage. Et il fait leur carte, il fait « Mais vous avez pas le droit de faire ça ?» Et « Si, j'ai le droit. Je suis le chef de la police. » Ok. Ça, avec toute la classe et la pudeur britannique. D'ailleurs, alors petite anecdote que j'ai notée, je sais pas du tout si Martin Freeman s'en est inspiré ou pas, mais je trouve qu'il y a une certaine ressemblance en fait entre le rôle de Simon Pegg dans ce film, donc Nicholas Angel, le flic, pas par le côté super flic, mais par le côté, une fois qu'il arrive dans la ville où il se fait muter, il est un peu il est obligé de supporter en fait tous les connards un peu de cette petite ville, les gens qui lui marchent dessus, il est obligé de se retenir, de prendre sur lui. Et j'ai trouvé que ça ressemblait pas mal à ce que vit le personnage de Martin Freeman dans Fargo, où au début de la série, pareil, il est dans une petite ville où les gens lui marchent dessus, il est entouré un peu d'idiots qui le méprisent. Donc non, j'ai trouvé une certaine ressemblance en fait là-dessus. J'ai pensé quand on voit Simon Pegg dans sa chambre, en train déjà un peu seul, isolé, en train d'essayer d'un peu contrôler ses nerfs. Donc c'était assez intéressant, je trouvais là-dessus. Jim Broadbent d'ailleurs aussi, qu'on peut trouver le chef de la police. Qui joue aussi dans Harry Potter. Qui joue dans Harry Potter, ouais. Et qui joue dans Filth d'ailleurs aussi. Qui joue le. Que j'ai toujours pas vu. Que tu n'as toujours pas vu, qu'il faudra que tu vois. Qui joue le médecin de James McAvoy dans ce film. D'accord. On a aussi Timothy Dalton. James Bond. Alors, effectivement, James Bond, mais j'ai pas le meilleur des James Bond, mais c'est un James Bond quand même. Mais moi, alors, déjà, j'ai pensé tout de suite à Penny Dreadful parce que je regarde la série, qui est très bonne d'ailleurs en passant. Mais c'est surtout pour moi l'acteur qui joue dans un film de Cléopâtre, le film Cléopâtre. C'est un vieux film, mais pense que c'est sur celui-là que j'ai dû voir pour la première fois Timothy Dalton. Et c'est aussi une tête que j'aime beaucoup, quoi. Et j'ai failli oublier Rory McCann, le limier de Game of Thrones, qui m'a fait mourir de rire. Et qui a le meilleur rôle de sa carrière pour qui a peut-être le meilleur rôle de sa carrière Et je trouve d'ailleurs l'ironie, je sais pas si on pourrait dire l'ironie en tout cas, mais la ressemblance qu'il a d'ailleurs avec Hodor de Game of Thrones au final, puisque c'est un grand niais qui sait dire qu'une seule chose. Yarp. Voilà. Mais, spoiler. Spoiler, ouais. C'est je crois que je ne sortirai jamais cette tête, ces sourcils de ma mémoire. C'était ouais, le géant monté sur roulette presque qui, voilà. Qui glisse sur le sol comme ça avec son yarp. Presque inquiétant même par moment et en même temps tellement drôle. Donc non, c'est vraiment excellent rôle. C'est vraiment le truc, ce que je trouve génial dans ce film, et c'est justement l'exemple que tu prends, c'est parfaitement que la représentation qu'il y a de l'humour de ce film, genre, on arrive avec un grand au visage inquiétant et tout ça, on se dit, merde alors, il va se passer quelque chose de mal, et genre là il fait, yerp, et ça désamorce de suite la situation, ouais. Et je crois que c'est vraiment ce film, c'est tellement ça, où c'est, ça passe, c'est-à-dire ça joue avec ton ascenseur émotionnel. Ouais. C'est ce que je veux dire dans le sens que voilà, c'est vraiment situation stressante, on va désamorcer ça, et juste derrière, un autre truc qui là, pour le coup, va être dramatique. Parce que oui, il est muté à la campagne, mais sauf que au bout de quelques jours, il se rend compte que... Son instinct de super flic ne le laisse pas tranquille, et il commence à chercher, à enquêter. En fait, il y a des meurtres qui se passent, qui ont l'air d'être des accidents, sauf que lui se rend compte que c'est pas forcément le cas, et donc il va décider d'enquêter là-dessus. Et on arrive sur un autre point qui me fait que j'ai beaucoup aimé ce film, c'est que pour moi, c'est un vrai film policier, il y a une vraie enquête intéressante, un vrai suspense, et un vrai rebondissement à la fin. Lié d'ailleurs à l'humour aussi de ce film, parce que c'est un humour vraiment très bien intégré, je trouve. C'est pas un humour qui rend le film débile, c'est en fait un humour qui désamorce quelque chose qui pourrait paraître horrible, mais qui n'enlève pas le fait que ça soit horrible. Exactement, c'est vrai. Et ça n'enlève pas du tout en plus au réalisme du film. C'est plus comme si en fait il avait été muté dans une grande maison de fous. Et qu'on trouve ça drôle, mais que ça enlève pas du tout le problème qu'il y a autour. Donc c'est vraiment un film que j'ai énormément aimé, auquel d'ailleurs on trouve accessoirement toujours cette trame du problème de l'âge et des responsabilités, ce coup-ci en la personne de Nick Frost. Voilà, qui veut devenir un super flic, voilà. Qui est fan de tous ses films. Alors qu'il est juste un fils à papa au final. Voilà, basique, Jim Broadbent justement, qui est le fils de Jim Broadbent. Oula. Accessoirement d'ailleurs, le nombre de petites références à des films de d'action, police, d'action, ouais, Bad Boys, genre 2, Bad Boys 2 et tout ça. On remarquera qu'on aura surtout mémorisé Bad Boys 2. Exactement. Parce que je crois que c'est le premier qu'il montre à Nicolas Angel justement, parce qu'il en a vu aucun. Non, c'est pas le tout premier, je saurais plus dire. Ah non, le Point Break. Point Break. Voilà, c'est Point Break qui lui montre, et derrière il y a Bad Boys 2. Mais bon, Bad Boys 2, Will Smith, c'était évident que j'allais le retenir tout de suite en premier, quoi. Mais étonne la coolitude de Will Smith. Et d'ailleurs, je trouve aussi que, donc on parlait de Nick Frost, je trouve que le rôle de Simon Pegg dans ce film est assez intéressant, parce que c'est, je pense, le rôle où il est le personnage le plus sérieux des trois films desquels on va parler. C'est-à-dire que là-dedans, c'est vraiment pas... En fait, c'est un mec qui a besoin un peu de lâcher la pression, mais c'est quelqu'un, pour le coup, de mature, d'indépendant. C'est pas c'est pas un crétin, c'est pas un débile ou quoi, ou un mec qui refuse de grandir comme dans les deux autres. Donc j'ai vraiment moi qui avais pas vu celui-là, ça avait vraiment été une bonne surprise, une très bonne surprise, ce rôle. Simon Pegg, ouais, entouré de cons au final. Ouais. Enfin, je sais pas si on peut dire cons ou candide, tu vois, parce qu'il y a vraiment le côté quand il dit non mais attendez, quelqu'un a planté avec ses ciseaux, elle peut pas s'être plantée elle-même. Et là que t'as le mec qui sort du fond, bah attendez, y a Willy le fermier qui s'est empalé sur sa propre fourche la semaine dernière. Ouais. C'est surréaliste, quoi. D'ailleurs, j'ai failli oublier, mais il y a aussi un personnage qu'on voit revenir, mais je me souviens plus son nom d'acteur, enfin son vrai nom, c'est Ruzard. Ruzark qu'on voit passer dans plusieurs des films, qui dans celui-là d'ailleurs une scène assez hilarante, qui joue le rôle d'un fermier qui a eu un souci et qui parle d'une manière incompréhensible. Du coup, pour traduire, ils ont besoin d'un flic qui lui-même parle de manière incompréhensible, et du coup c'est Nick Frost qui fait le traducteur du traducteur. Cette scène est juste magique, surtout la petite découverte qu'ils font dans la grange. Bon, on va pas spoiler, mais elle m'a fait énormément rire. C'est vraiment un film, ouais, je me suis vraiment marré tout au long du film. Il est bien rythmé, il y a peut-être peut-être un poil trop d'action à la fin, mais je sais même pas si c'est vraiment trop, parce que c'est drôle aussi. C'est quand même aussi, j'ai envie de dire, ce film ne vaut le coup ne serait-ce que pour une scène. C'est une scène où Simon Pegg met un high kick à une grand-mère. Et cette scène, c'est elle est juste magique, je trouve. Cette scène, je pense qu'elle fait partie de mon top 10 des scènes de films préférées. Ah, quoi. Je crois que c'est le seul film où j'ai vu ça pour l'instant. Et tout ça en plus, si je me rappelle bien, c'est que fait ça dans une scène et juste avant de mettre le high kick, sa scène précédente à Simon Pegg, sa dernière phrase c'est « Je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière ». La scène d'après, il met un high kick dans la grand-mère. Et ça c'est juste magique, quoi. Ouais. Non, c'était vraiment excellent. Alors après, bien sûr, il y a quelques points aussi négatifs, hein. Tout n'est pas parfait. Peut-être quelques scènes en trop et quelques scènes clichés, je trouve, personnellement. Et bien justement, les scènes clichés, je trouve que c'est... il reprend les clichés, en fait, pour mieux les déconstruire derrière. Comme, par exemple... justement, quand il, tout le long du film, il dit « Ouais, ce carnet, il m'a sauvé la vie plein de fois, ce carnet, et qui, au final, il y a un moment, il lui sert plus tard dans le film. Mm. » Et que ça, dans les films d'action, il y a toujours ça. Tu sais, c'est le fusil de Tchekhov. Oui, en fait. Oui. Mais bah, on l'a exactement, par exemple, aussi pour un moment, un morceau de sauce tomate. Voilà, exactement. Et c'est je trouve ça parce que très très amusant. Qui d'ailleurs c'est quelque chose qui était aussi dans Shaun of the Dead, dont on parlera juste après, que j'ai trouvé ça super fort. Il a réussi à trouver la bonne dose de récupérer les clichés pour ensuite en rire lui-même. C'est vrai qu'au début, quand tu vois les clichés, tu dis ouais c'est un peu cliché. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu comprends le gimmick du film, c'est juste magnifique, quoi. C'est génial. Alors je vais te dire oui, mais pour moi il y a certains moments où alors peut-être qu'il veut les déconstruire, mais au final il finit quand même par tomber dans le cliché. Voilà, par exemple la scène du sacrifice du partenaire, bon spoiler, mais on vous dit pas comment ça se finit. Voilà, c'est une scène, elle se voit venir dans tous les films où il y a un super flic et un autre flic, ou alors il y a un problème entre les deux. Il y a toujours cette scène et ça loupe pas, et il y a cette scène. Bon, je dis pas que ça m'a pas gâché le film, hein, loin de là. Mais bon, je suis pas fort. Est-ce qu'elle aurait vraiment été nécessaire? Je sais pas. C'est comme la scène. Il y a une scène où il explique un certain nombre de choses à ses collègues flics. Je sais pas si tu comprends de quoi je parle, mais en gros pour les convaincre d'une chose, sauf qu'en fait en tant que spectateur on sait déjà que c'est bon, on sait déjà il a toutes les preuves, il a raison, il sait qu'il a raison, etc. Mais personne veut le croire, mais il y a de nouveau une scène d'explication où en fait il redit tout ce qui a déjà été dit en fait les 15 ou 30 dernières minutes précédentes. Et bon, encore une fois, ça m'empêchera pas d'apprécier le film, mais cette scène, par exemple, je la trouve pas forcément nécessaire. Et j'ai pas non plus compris pourquoi cette fin, en fait, cette séquence de fin. La séquence de fin, en fait, ils sont dans le commissariat, et il y a un effondrement, une explosion, et... est-ce qu'elle était vraiment nécessaire? Pour moi, le film aurait pu s'arrêter un petit peu avant, en fait, genre 2 ou 3 minutes avant. Ça, justement, je trouve que ça fait partie des clichés en question qui déconstruit, ouais. Tu vois, avec le côté, où il y a un quatrième acte au film. Il y a cette scène-là, et qu'il y a... où, tu sais, il va se recueillir devant la tombe de quelqu'un, mais ce n'est pas celui qu'on croit. Ouais. Tu vois, ça fait partie des clichés qui permet de singer. Et c'est le côté super, mais vraiment très méta du film, que je trouve très fort. C'est quand Timothy Dalton, justement, il lui dit excusez-moi, mais je crois que vous avez vu trop de films d'action. Et que t'as Nick Frost qui débarque derrière et fait il n'en a vu aucun. Et ça, c'est vraiment la synthèse un peu de ce film en fait. Et côté genre, ouais, qu'est-ce qui se passerait si c'était Bad Boys 2 à la campagne, sans qu'il se rende compte qu'il ait conscience de son côté Bad Boys. Ouais. Non, ça reste vraiment un excellent film, un film que j'ai vraiment adoré, devant lequel j'ai vraiment, vraiment beaucoup rigolé, quoi, de toute façon. Eh bien, il semblerait que ce soit encore un film sur lequel on est tombé d'accord. Ouais. Il est temps maintenant d'attaquer le dernier. Qui est l'épisode de la Discord. Voilà, celui de la Discord. J'ai nommé Shaun of the Dead. Ouais. Shaun of the Dead, film de zombie humoristique, on va dire. Qui, on va dire, résumé en deux secondes, en fait, c'est un grand enfant, et oui, qui se fait larguer par sa copine, il a une vie, en fait, métro, boulot, dodo, et un jour, il se fait larguer par sa copine, et le jour où il veut la reconquérir, il y a une invasion de zombies en pleine Angleterre, et il se retrouve obligé de conjuguer la reconquête possible de sa copine, avec, en même temps, le fait de vouloir sauver sa mère, les colocs qui lui plombent la vie... Tout ça. On retrouve ça sur un tableau dans sa cuisine où il est rentré un soir un peu bourré, où il a marqué reconquérir. Comment elle s'appelle ? Lise, voilà, pardon. Reconquérir Lise, aller à l'anniversaire de maman et reprendre ma vie en main. Voilà, c'est son master plan. Voilà, son master plan. Alors, à toi l'honneur, vu que je sais qu'on va pas être d'accord, je. Tirez les premiers, messieurs les Anglais. Je te laisse ouvrir le feu. Alors moi, du coup, Shaun of the Dead, c'est un film... je l'ai vu il y a quelques temps. J'en ai beaucoup entendu parler. Ce qui est assez drôle, c'est avant qu'on fasse un peu cette chronique. Mais après que j'ai revu le film, on m'en a reparlé vite fait. Il y a une amie qui m'en a reparlé qui m'a dit qu'elle aimait énormément ce film. Donc dédicace à toi si tu nous écoutes et quand tu nous écouteras. Alors que moi, pour le coup, c'est un film qui m'est passé un peu au-dessus de la tête. C'est un film dont j'aime beaucoup, beaucoup le premier tiers, et beaucoup moins les deux suivants. C'est un film qui, en fait, je trouve, a le cul vissant entre deux chaises. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement drôle, il n'est pas totalement sérieux, et il réussit pas très bien ce qu'il fait dans les deux domaines. Le premier tiers est très intéressant, avec la présentation, la scène d'introduction qui nous présente les personnages en un clin d'œil, le trajet tous les jours de Simon Pegg à son boulot, qui est entouré de personnes qui sont encore en bonne santé, mais qui se comportent comme des zombies, scène qu'on retrouvera un peu plus tard d'ailleurs. Ouais, 5 minutes après. Le lendemain, en fait, tout simplement, si je me trompe pas. Oui, voilà, exactement. Alors que là, tout le monde a été zombifié, mais il avance complètement dans les vapes pour démarrer sa journée au milieu des zombies. Ce qui est assez, avec assez tout ce rigolo. Qu'on voit dans l'arrière-plan, voilà. En fait, où l'arrière-plan, les petits détails. On peut jouer au jeu des 7 erreurs entre les deux scènes et qu'on voit que les gens zombifiés ont finalement un peu le même comportement que quand ils ne le sont pas. Alors moi, Scred, je comprends pas comment tu peux ne pas aimer ce film. C'est juste génial. L'humour anglais, la critique de la société. Il y a aussi, comme dans Hot Fuzz, le côté mélancolique, passage à l'âge adulte, le côté trop sérieux, c'est trop chiant. Et en plus de ça, il y a quand même une scène avec Queen. On ne peut pas ne pas aimer un film où il y a une scène avec Queen dedans. Ah, je porte Queen dans une place spéciale au fond de mon cœur, tu sais bien. Mais non, il n'y a pas tout, bien sûr, qui a jeté dans ce film. Hein. La scène avec Queen est juste excellente. Ils sont dans un bar avec un zombie qui a réussi, qui était caché dedans. Et ils commencent à le frapper avec des queues de billard. Et il y a un jukebox qui s'allume et qui commence à chanter. Une chanson de Queen et ils le frappent tous en même temps, en rythme sur la musique. Mais ouais, le premier tiers, comme je disais, est vraiment bon. Jusqu'à ce qu'en fait ils partent, ils décident d'aller chercher donc son ex-petite amie, parce que voilà, comme on disait, ils se sont séparés la veille, et d'aller récupérer sa mère pour après se rendre à leur fameux pub Winchester. à partir du moment où il quitte la maison, je trouve que l'humour disparaît, globalement. À part une vanne de temps en temps, il est beaucoup moins présent. Ou alors, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas les blagues qui sont faites, mais... Par exemple, voilà, quand Nick Frost détruit la voiture avec laquelle ils sont, ok, c'est rigolo, mais je trouve pas ça extraordinaire. Tout un tas de passages, je trouve que vous voyez qu'il est beaucoup, beaucoup moins présent que dans un film comme Hot Fuzz où c'était beaucoup mieux géré. Les personnages aussi, je trouve qu'ils ont tendance à être plutôt détestables. Le personnage de Nick Frost est complètement horrible. Qui est fait pour être détesté, ouais, je pense. Je pense aussi là-dessus, parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même une performance, on peut le dire. Ah, tu vois que tu trouves des points positifs. J'ai pas dit que c'était un film où il y avait tout acheté. En fait, je trouve que ce n'est pas un mauvais film, qu'il y a des bons points, mais j'aurais tendance à dire que ce film, je comprends pas du tout les critiques qu'il a reçues. Quand j'ai été voir un petit peu après l'avoir vu des critiques sur Allociné, par exemple, ou sur d'autres sites, et que je vois des gens qui marquent ce film, ça se pissait dessus de rire, etc. J'ai l'impression de pas avoir vu le même film qu'eux. C'est un film drôle par moment, mais pas tant que ça. On retrouve effectivement le thème du passage à l'âge adulte, de l'ennui, etc. Mais... Non, voilà, vraiment, c'est plus en fait un film où je ne comprends pas les réactions des gens autour, plutôt que le film en lui-même, j'ai l'impression. Parler donc des personnages détestables, il y a le personnage aussi, l'ami de Liz, donc la petite amie de Peg. Le rond de cuir pacifiste, comme voilà, il l'appelle. Voilà, l'expert comptable, si je me trompe pas, qui, pareil, est... assez insupportable, un peu inquiété, à mi-chemin entre lâche et qui veut imposer son autorité pour impressionner une autre nana. On va dire que c'est des personnages en fait que tu apprécies voir mourir. C'est ouais, ça qui est assez, des gens assez que drôle. Tu aimes détester. Ouais, voilà, c'est des gens qu'on aime détester et qu'on aime voir disparaître. Mais tu vois, justement, c'est ça que j'aime dans ce film, ce côté méchant, persiste les signes. Comme y a un côté très cynique, tu vois, dans le film. Quand, par exemple, ils font leur plan, ils savent que le beau-père de Sean a été mordu. Et du coup, ils disent, on va récupérer ma mère, on tue Philippe, on va récupérer Liz, et on va au pub en attendant que les choses se calment. Et qu'ils répètent un certain nombre de fois, parce voilà, qu'à chaque fois, ils changent, parce qu'ils trouvent une bonne raison pour changer le plan. Je suis d'accord. Et j'adore ce côté cynique, justement, avec le troisième coloc de Sean et Ed, qui lui est un mec insupportable au possible. Enfin, on peut pas dire, je dirais, non, pas insupportable. Il supporte pas de vivre avec des gamins, en fait. Voilà, il supporte pas de vivre avec des gamins. Et plus précisément avec Nick Frost, d'ailleurs. C'est ça, et d'ailleurs, je trouve justement le côté, il y a encore un côté méta, justement, dans ce film. Parce que en fait, il les déteste, il les considère comme des gamins, et il se donc spoiler, hein, il finit donc transformé en zombie. Et je pense qu'il y a peut-être une métaphore, peut-être que je m'égare, mais je pense qu'il y a une métaphore parce que il est transformé en zombie, fuit, ils vont essayer d'exécuter le plan, sauver la mère, la femme et tout ça. Et à la fin du film, juste avant la fin, quand il y a des zombies qui débarquent de partout. Il y a ce mec qui représente un peu une personne qui a évolué normalement, qui est devenu un adulte, qui arrive dans le bar. Tu sais pas comment il a fait pour traverser la ville en tant que zombie qui atterrit là. Mais il y a le côté vraiment... Bah, peu importe ce que tu fais, on échappe pas aux responsabilités. Le côté adulte. Ouais, tu vois ce que je veux dire, y a un moment où il faut devenir un adulte. Et celui qui représente le passage à l'âge adulte, il les rattrape, il arrive, et il finit en plus par bouffer Ed. Il finit par bouffer Ed et se prendre une balle dans la tête, d'ailleurs. Voilà. Mais il bouffe Ed, et donc, ironie du sort, celui qui est le boulet, partie des boulets qui retenait Sean dans son adolescence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant, comme le moment où, tu vois, il croise un autre groupe de survivants, et donc que c'est Yvonne, une vieille amie à Sean, et que en fait ils discutent 30 secondes, et puis après ils se disent bon ben au revoir, partent. Et là, tu vois, tu sais, quand t'as les deux groupes, les gens passent. Et qui sont voilà. Les reflets, du coup, avec un visage différent, mais qui correspondent chacun exactement aux personnages qui sont en train de croiser, quoi. Voilà, exactement, qui ressemble à tous les clichés que chaque personnage incarne. Et c'est un côté méta très intéressant, en fait, de critiquer le film de zombies, dans le sens de dire, regardez, dans les films de zombies, il y a des clichés, il y a toujours le mec lâche, le mec qui veut tout faire, la femme en détresse, et que en croisant exactement, c'est genre, il y a deux groupes de survivants, et le deuxième groupe, il est exactement le même que le premier. C'est vraiment le côté, regardez le cliché des films de zombies, à chaque fois qu'il y a un groupe de survivants, c'est forcément le même, c'est formaté. C'est un film que je trouve plus intelligent qu'il n'en a l'air. Ouais, c'est clairement pas un film idiot pour moi, mais encore une fois, je trouve qu'on revient sur ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un film qui a du mal à se placer. C'est-à-dire que c'est pas un film totalement humoristique sur les zombies, comme on a pu d'ailleurs en avoir une flopée un peu plus tard après la sortie de ce film. On n'a pas un film trop sérieux non plus, mais qui essaye d'être un peu tout à la fois. Et je trouve que c'est ça justement qu'il n'arrive pas en fait à bien faire. On parlait un moment de la métaphore de l'ennui, du passage à l'âge adulte. Voilà, je me suis ennuyé moi pendant ce film justement, pendant une partie de ce film en tout cas. On parlait du départ quand ils organisent le plan pour aller sauver, qui parle de tuer le beau-père, qui pense est contaminé. Ça encore, c'est dans ce que j'appelle le premier tiers, qui est peut-être une, on va dire, à la limite je peux l'agrandir jusqu'à la première moitié du film. On va dire que ça fait partie de ça. Et même encore, tu vois, à ce moment-là, l'humour, ok, c'est drôle, c'est un humour, on va dire, de répétition et en plus un peu de cynisme, mais il le répète une ou deux fois trop, en fait, pour moi. Et ils insistent un peu trop dessus, et je trouve que ça gâche un peu la vanne qu'ils venaient de réussir à faire, par exemple. Donc, d'accord, dans le sens que ça désamorce la blague et qu'ils ont réussi à amorcer. D'accord, je vois ce que tu veux dire. En fait, pour moi, il y a un côté Simon Pegg et Nick Frost. C'est un peu, on va dire, pour les gens de manière générale, c'est un duo de guignols en fait. Voilà. C'est un duo un peu des mecs un peu cons, un peu neuneux, les éternels adolescents alors qu'ils ont plus de 30 ans. Voilà. C'est ça, je trouve, dans l'imaginaire collectif. Tu me diras si je me trompe. Non, c'est vrai. Et je trouve que justement, en fait, dans ce film, ils sont comme ça, mais il n'y a pas l'humour qui les rend attachants, justement, qu'on peut trouver dans un Hot Fuzz, le dernier pub avant la fin du monde. Je trouve qu'ils ont des rôles plus intéressants que ça, tu vois. Entre Simon Pegg, qui lui est vraiment le mec qui ne veut pas grandir, mais qui l'assume presque totalement. Ah oui, et tu le dis clairement. Et Frost, qui lui a vraiment sa vie installée, déjà presque terminée, on va dire. Donc on retrouve un côté un peu enfant qui veut jamais grandir, mais sans. Du coup, ça manque de sérieux, un peu à cause de ça, même si c'est utilisé par moments pour justement, comme tu disais. Se moquer de certains clichés, mais en regardant ce film. C'est quand même une trilogie qui passe son temps à pointer les clichés, mais il pointe les clichés du doigt, mais il tombe dedans, parce que c'est quand même rigolo les clichés. Voilà, il y a de ça aussi, parce que peut-être aussi à cause des spectateurs, hein, peut-être qu'on s'attend tout simplement à voir certains clichés, et que c'est assez dangereux de s'éloigner des clichés, parce que si c'est bien fait, on dit que les gens crient au génie tout de suite, mais si c'est mal fait, en général, les gens loupent pas laissent pas passer, quoi. Ou vous loupent pas. Donc peut-être qu'ils sont aussi tombés là-dedans en voulant se moquer des clichés, mais qu'ils pouvaient eux-mêmes ne pas trop s'en éloigner, quoi. Moi, j'ai trouvé, tu vois, au contraire, qu'ils les ont sublimés. Vraiment, dans le sens, on reprend ces clichés, on les fait nôtres, quoi, en fait. Et on les détourne. Mais je trouve que on va dire que pour moi c'était mieux réussi dans Hot Fuzz, où il les détourne, mais globalement il les détourne vraiment par l'absurde dans Hot Fuzz. Et que là, c'est pas. En fait, pour moi, dans Shaun of the Dead, c'est pas poussé assez loin pour vraiment marquer le coup, je dirais. D'accord, ok. Ouais. Parce qu'après, la genèse de ce film, et qui je pense est un peu la genèse de toute la trilogie, c'est quand même. Là, c'est une série en fait des années 90 qui s'appelait Spaced. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion de la voir. C'était la série qui où jouaient Simon Pegg et Nick Frost, qui était scénarisé par Edgar Wright, justement, et dans lequel c'était des gens qui traînaient un peu dans la vie, ils savaient pas trop quoi faire, l'ennui, la mélancolie, il y avait déjà ce côté problème de passage à l'âge adulte. Et dans cette série, en fait, il y avait le personnage de Nick Frost, qui jouait un redneck anglais aux antipodes de son personnage de Ed, finalement, qui s'endort sur son canapé, et dans son cauchemar se retrouve, coincé dans le jeu vidéo Resident Evil 2. Evil. Dans lequel il se retrouve à chasser du zombie. Et en fait, ils ont pris un tel pied à faire cet épisode. Ils ont dit, mais merde, c'est trop cool, faut qu'on fasse un film de zombies, mais en gardant le même esprit. Et c'est de là qu'est venu le film. Et d'ailleurs, le personnage de Yvonne, justement, de l'autre groupe de survivants, et en fait, au final, il imite un personnage clin d'œil, et qui vient justement de cette série qui était a été le deuxième, deuxième personnage principal de la série. En fait, c'était une autre coloc de Sean et Ed. Ok, d'accord. Justement, tu vois, c'est ce personnage d'Yvonne, donc on en parlait hein, du passage où elle croise Simon Pegg et sa fine équipe avec sa propre fine équipe. Je trouve que c'est un peu dommage que ça n'ait pas été plus exploité. J'aurais bien vu une situation où, par exemple, les deux groupes, qui sont les mêmes clichés les uns que les autres, se retrouvent ensemble et pourquoi pas associer les clichés par paire, tu vois. Ou justement, peut-être faire une opposition des clichés entre eux. Ça aurait pu être intéressant et vraiment pousser un peu plus loin la signification de ce passage. Donc c'est un peu... Je pense que ça aurait peut-être surchargé le film. Bah après, le film est assez court, hein, mine de rien, il fait à peu près 1h40. Il est assez léger, heureusement d'ailleurs, enfin pour moi. dans ce que j'ai vu, il faut voir que Hot Fuzz dure à peu près 2 heures tout de même. Donc est-ce que ça aurait été en trop? Je sais pas forcément. Peut-être en tant que premier film, il avait besoin de rester un peu plus léger aussi, pour être plus apprécié. Je sais pas. Il y avait la question du budget aussi, je pense. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un casting limité. Ouais, 4 millions de dollars de livres, pardon. Du coup, 3 des mini. Bon, ça n'empêche pas d'avoir quelques têtes connues, mais peut-être qu'ils étaient pas autant connus à l'époque. En comparaison, Hot Fuzz. Hot Fuzz, autant pour moi. Hot Fuzz avait un budget de 4 millions de livres aussi. Ah ouais? Ouais. Ah bah. Je suis pas surpris. Et pourtant, ils ont eu un accompagnement d'un grand nombre de grandes têtes. Alors qui sont plus en caméo presque pour certains, mais ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, je sais pas si toi tu as vu beaucoup de films de zombies. J'ai pas dû en voir tant que ça, j'avoue. J'en ai vu un peu plus, enfin, des documents ou des œuvres dans l'univers des zombies, plus en comics, en manga, en série télé, par exemple. Mais j'avoue qu'en film, je dois pas être le plus grand connaisseur sur le sujet quand même. D'accord, parce qu'en fait, il y a vraiment le... Peut-être que c'est ça d'ailleurs qui me fait passer à côté d'un certain nombre de choses, hein. C'est possible aussi. Mais je trouve que si le film demande à être connaisseur pour vraiment l'apprécier, ça confirme un peu aussi l'idée que j'en ai du pourquoi autant de gens crient, on va dire, au génie et à l'humour absolu en parlant de ce film. En tout cas, moi, de mon côté, ça n'a pas forcément été le cas, ou en tout cas pas à ce point-là surtout. D'accord, c'est vrai que ça fait beaucoup allusion quand même au cinéma de Romero, qui a un peu démocratisé les films de zombies en 68, si je m'en rappelle bien, avec La Nuit des Morts Vivants, qui ensuite a fait d'autres films, et qui lui aussi était très très très critique dans sa société sur la société de consommation, sur la société en général en fait, et il se servait des zombies pour critiquer l'être humain, et je pense qu'il y a peut-être, c'est peut-être sur ça qu'ils se sont inspirés, pour tout le côté sérieux qu'il peut y avoir dans Shaun of the Dead. Et en même temps, en multipliant les hommages, comme par exemple, là, t'as un morceau de la BO d'un autre film qui s'appelait Zombie, qui lui en fait est repris dans la BO discrètement de Shaun of the Dead. Mais c'est vrai que c'est le genre de clin d'œil aussi qui sont réservés aux connaisseurs, on va dire. Bon, on aura peut-être l'occasion de faire un épisode un peu plus centré sur les zombies. Ou sur les films de Romero, inciter au débat et à la construction, du coup. Ouais, un débat houleux. J'ai vu d'avance. Du sang coulera. Du coup, de 1 à 5. De 1 à 5, je lui mettrais un 3,5 comme le dernier pub avant la fin du monde, mais avec une mention spéciale tout de même, parce qu'il est quand même à l'origine de la trilogie, qui a une bonne volonté vraiment mise dedans, et voilà, qui mérite un peu d'être au-dessus, quoi. Mais pas pour moi, en tout cas, le grand succès ou le grand chef-d'œuvre annoncé par tout le monde. D'accord, ok. Finalement, je trouve quand même pas si cruel que ça avec non, le film non, non. Pour un 3,5, ça va. Je serais plutôt cruel, en fait, envers les personnes ou la masse qui a commenté, que certaines personnes le trouvent génial, bien sûr, hein, tous les goûts sont dans la nature, mais c'est plutôt oui, là, une incompréhension de l'effet global qu'a eu ce film. De la hype qu'il a généré. Voilà, quoi. De la hype générée par ce film au vu de ce que moi j'en ai vu. Quoi. D'accord, bah écoute, je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait apporter. Ce podcast arrive maintenant à sa fin. Et je pense qu'on va passer à nos recommandations respectives. Tred, Taroko, en quelques mots. Alors moi, je vais vous parler d'un manhwa, donc un manga coréen dessiné et écrit par Boichi, donc un artiste sud-coréen, qui est aussi à l'origine, par exemple, de Trigun, qui est un peu plus connu. Donc c'est un manhwa, tout simplement, un gars qui est amoureux, donc un gars japonais, qui est amoureux d'une nana sud-coréenne. La nana peut pas accepter ses sentiments parce qu'elle doit retourner en Corée du Sud, rentrer dans la police. Il décide de la suivre pour entrer dans la police à la base lui aussi, pour faire respecter l'ordre, le bien et compagnie. Sauf qu'arrivé en Corée du Sud, c'est la désillusion, il se retrouve au chômage, sans boulot. Et un peu de manière incompréhensible, il se retrouve sans le vouloir à la tête d'un gang de mafieux sud-coréens. Et il va devoir essayer de concilier sa vie entre gérer son gang et gérer sa vie sentimentale, donc avec sa petite amie qui, elle, est dans la brigade anti-gang en plus, et à qui il a raconté tout un tas de mensonges pour essayer de se faire passer pour un mec bien, et pour pas passer justement, pour pas montrer qu'il était sans boulot, sans travail, presque à la rue. Et va s'enchaîner tout un tas de quiproquos et de situations de gang. Donc c'est un manga avec pas mal de bastons, mais avec énormément d'humour, avec beaucoup de bons sentiments, qui est très bien dessiné. Bref, je vous conseille fortement de le lire. D'accord, c'est le mec sympa sur qui tout lui tombe sur le coin de la gueule, quoi. C'est un peu ça, mais en même temps c'est le gars qui, voilà, qui assume, qui une fois qu'il s'est engagé dans quelque chose, assume jusqu'au bout et du coup va partir totalement là-dedans. Eh ben écoute, c'est noté. Alors moi par contre, bah, comme je suis un gros flemmard, je vais vous parler tout simplement du guide de survie en territoire zombie. Il y a un livre écrit par Max Brooks, le fils de Mel Brooks, grand cinéaste, donc faudra qu'on en parle un jour aussi d'ailleurs. Pourquoi pas. Et c'est très second degré, mais écrit en premier degré. Mais en gros, c'est un peu comme quand tu vois le fou du village qui te raconte une histoire complètement fantasque, mais ouais. Qu'il y croit à 100%. Et bien là, c'est la même chose. Le mec, il te donne un guide du territoire zombie, et il t'explique de A à Z alors pourquoi les gens se transforment en zombies, il t'explique scientifiquement pourquoi, il t'explique les meilleures manières de se protéger des zombies, comment faire une forteresse. Et en fait, c'est très très drôle. Dès que tu passes la barrière un peu du côté... genre du côté mais c'est trop sérieux, c'est trop premier degré, en fait si tu relativises, c'est vraiment à mourir de rire. C'est un livre très drôle et qui pourrait devenir le meilleur livre au monde en cas de vraie invasion de zombies. Exactement, et qui d'ailleurs a été adapté en BD, qui n'est pas d'ailleurs le premier ouvrage de Max Brooks au sujet des zombies, car il avait fait avant World War Z. Super livre qui a engendré l'un des pires films de zombies de tous les temps, l'un des pires films de Brad Pitt. Il est pas si mauvais que ça. Ah, bah écoute, ce sera un futur débat alors. C'est ça. Un futur débat. Bah écoute, je pense qu'il est temps de se quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ouais, c'était très agréable. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter. Et l'adresse mail si vous avez des recommandations, des questions ou quoi que ce soit pour vos retours. Donc popenstock@gmail.com et sur Twitter @popenstock. Bah écoute Pierre, ça fait un plaisir de voir ce débat avec toi. C'était très intéressant, j'ai hâte des prochains, j'ai hâte de te faire découvrir moi aussi des films ou d'autres séries, livres, qui sait ce sur quoi va se porter mon intérêt et de découvrir ton avis pour le coup. Eh bien écoute, je me ferai un plaisir de les détester et d'engager un débat avec toi. Je te dis donc à une prochaine fois, je vous dis à une prochaine fois et à bientôt. À bientôt. Salut. Je voulais le faire après, en fait. Ah, tu voulais le faire après ? Ouais, et y'a pas de GA au pignon. C'est pas un oignon. Non mais... Je me permets, hein. Je savais plus comment ça s'écrivait. Je devrais dire, bon, nion, nion... Ça nous fait une scène post-générique supplémentaire. Mec, on a que ça, quoi.